ce soir joue sur la mer. Autour de moi, tout est désert. Tu n'es plus là pour m'abriter des nuits sans joie et de sur la mer. Oui, mais ce soir rien n'est pareil. Je n'entends plus chanter le vent. Je ne vois plus sur l'océan. Que cette pluie qui fait revivre en moi nos jours heureux enfuis à tout jamais, puisque sans toi la pluie se cette pluie qui fait revivre en moi nos jours heureux enfuis à tout jamais, puisque sans toi la pluie se ce soir.